Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Romy Schneider face à son destin. Quand je l'ai rencontré comme ça dans la vie, je me suis aperçu que c'était avant tout une personnalité. C'est-à-dire que c'est une personnalité assez complexe, renfermée, tout en étant très ouverte. Un personnage très, très déchiré quelque part. Le réalisateur Costa Gavras tournera un seul film avec Romy Schneider, le film « Claire de femme » en 1979. La complexité de la personnalité de Romy Schneider et ce déchirement intérieur dont parle Costa Gavras dans cette entrevue à la télévision française en 1981 contribueront certainement à faire de Romy Schneider la grande actrice qu'elle était. À nouveau, Costa Gavras. Je pense qu'elle a une sensibilité comme ça, un peu hors du commun, qui doit avoir comme raison aussi le fait que c'est une actrice qui travaille dans une autre langue, qui est la langue française, et qui est extrêmement difficile pour quelqu'un. On peut vivre, faire n'importe quel métier dans un pays, dans un autre pays, mais être acteur, c'est très difficile dans une autre langue. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Romy Schneider et Michel Piccoli interprétant la chanson d'Hélène dans le film de Claude Sautet, Les choses de la vie. Pour nous raconter, Romy Schneider, un ami de l'émission, le chroniqueur cinéma Michel Coulomb. Michel, bonjour. Bonjour. Vous dites Schneider, je dis Schneider. Et en fait, les deux se valent, hein, parce que sa carrière allemande, ben, c'est son nom d'origine, Schneider. Et en France, elle deviendra Romy Schneider. Bon, alors, la Romy en question sera l'objet de cette émission. Grand plaisir de faire ce portrait parce que c'est une femme fascinante. C'est une femme qui a marqué l'imaginaire. Les photos, entre autres, qu'on trouve sur Internet d'elle aujourd'hui encore sont très, très nombreuses. Commençons peut-être par ça. On reviendra sur l'extrait dans un instant, mais sa beauté, Michel. Parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est une icône de la beauté au 20e siècle. Comment la décrire, cette beauté-là? C'est une beauté lisse. C'est une femme qui s'est abandonnée à la caméra, à photo ou cinéma. Il y a une grande tristesse dans sa présence. Oui, quelque chose de radieux, de photogénique. Et Jean-Louis Trintignant disait d'elle, c'est la femme la plus érotique que j'ai connue. Donc, il y a probablement de cet érotisme un peu triste dans le plaisir qu'on trouve effectivement à regarder les photos de Romy Schneider, qui pourtant est une femme qui ne faisait pas attention particulièrement à elle. Elle fumait 3 paquets par jour une grande partie de sa vie. Beaucoup d'alcool, des intoxications, beaucoup de médicaments, une vie difficile, néanmoins ce côté radieux. Ouais. Ce côté radieux, mais cette tristesse aussi dans cette beauté dont vous parliez, cette mélancolie probablement, ça fait aussi partie, je présume, de ce qui fait que vous adorez ce qu'on vient d'entendre, cette chanson, la chanson d'Hélène. Vous dites, c'est ça, Romy Schneider, c'est l'apothéose de ce qu'elle a été, de ce qu'elle nous a donné. Pourquoi? Elle avait autour de 30 ans, un peu plus de 30 ans, au moment où elle a fait les choses de la vie. Claude Sautet va relancer sa carrière parce qu'il va développer une collaboration assez remarquable avec elle. Et on sent dans cette chanson toute sa fragilité. On sent sa vulnérabilité. On sent cet abandon qu'elle a. Elle n'était pas chanteuse, elle le savait. Elle va se lancer dans ce film qui sera un grand succès. Les choses de la vie, la chanson sera un succès. Le film en sera un aussi. Ça marque un changement d'époque. On est après mai 68. Et Claude Sautet donc fait un film où un homme qui a eu un accident qui est remarquablement filmé. On y a mis vraiment beaucoup de travail pour s'assurer que ce soit très réaliste. Cet homme donc raconte sa vie, raconte son aventure avec cette femme, une aventure adultère, qui est Hélène, interprétée par Romy Schneider, qui est absolument bouleversante, ouais. De vérité, de simplicité et d'abandon à la caméra. Et ça laisse un grand, grand moment au cinéma, mais même quand on écoute la chanson, on sent cette même émotion. Intemporelle. Voilà. Parlons, avant de parler de sa carrière, parlons un peu quand même de ses origines, parce que c'est important pour elle, ses origines, mais je dirais surtout le poids de ses origines, Michel. Oui, parce que ses parents étaient tous les deux comédiens. Elle va surtout travailler et connaître sa mère, Magda, qui, disait-elle, avait eu, c'est Romy Schneider qui l'a dit, là, aurait eu une relation avec Hitler. Si elle n'a pas eu une relation avec Hitler, c'est une chose que supposait en tout cas sa fille, elle était très proche des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a travaillé, le père aussi, hein, ils ont fait plusieurs films pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en plus, ils avaient des relations privilégiées avec des gens de l'entourage, le secrétaire particulier, par exemple, d'Hitler. Donc, ça aurait été pour elle un poids toute sa vie. On connaît cette notion de culpabilité allemande qui a pris toute une génération à la gorge. Hein. Elle était autrichienne, mais ça valait pour les Allemands aussi. Elle sera habitée par ça souvent. Elle jouera des personnages de femmes juives. Mm-hmm. Elle donnera les noms de Sarah et de David à ses enfants. On ne pourrait être plus clair. Elle va combattre cette image de l'Allemagne, cette image de l'Autriche pendant des années, quitter son pays. Oui. Mais également, elle aura des rapports extrêmement complexes avec sa mère qui représentent ce passé douloureux de l'Allemagne et de l'Autriche. Ouais. C'est par sa mère, par ailleurs, qu'elle arrive au cinéma. Oui. Sa mère, en fait, au départ, ne voulait pas qu'elle fasse des films. Bon, néanmoins, c'était une tradition familiale. Chez le père, c'est toute une lignée. La mère était donc également comédienne. Mais bon, devant son insistance, à l'âge de 15 ans, elle lui fera un cadeau d'anniversaire. Elle l'amènera à une audition. Elle l'emportera. Romy Schneider donc sera choisie. Photogénie extraordinaire. Elle fera un premier film, Les Lilas Blancs. Et à partir de là, sa carrière sera lancée. Et ça ira très rapidement. Et ça relancera la carrière de Magda Schneider, qui était effectivement étiquetée nazie. Ouais. Donc, elle faisait partie de ces acteurs qui pouvaient difficilement survivre après, mais elle deviendra presque systématiquement, dans sa période allemande, la mère de. Ouais. C'est-à-dire, il y aura des films de Romy Schneider, mais également des films avec Magda Schneider, qui est très régulièrement donc sa mère. Et d'elle, cette fameuse série de ces 6-3 films au milieu des années 50, on verra ce duo, Magda, effectivement, qui sera la mère de Romy Schneider dans ces 3 Cécis. Film, évidemment, je le rappelle, très romancé sur la vie d'Élisabeth d'Autriche. On écoute Romy Schneider, ça va être important pour elle. Ça va être à la fois une grande opportunité, mais un piège. On l'écoute, justement, en parler à Jacques Chancel, extrait de l'émission Radioscopie du 13 mars 1970. Romy Schneider, il y a une période qui a été votre première période, c'était l'impératrice Sissi, vous aviez 17 ans. C'est le passé aussi. Est-ce que c'était une étiquette dont vous avez souffert ou est-ce que vous êtes content? Oui, à partir d'un certain moment, oui, absolument, parce que on ne voulait pas m'en sortir. Moi, oui, mais c'était difficile, mais j'ai quand même réussi finalement. Ça s'accrochait à votre peau? Oui, un peu. J'en ai fait 3 et j'en voulais plus. Je voulais déjà plus faire le deuxième, mais je ne regrette pas. Mais si, pour vous, c'était quoi? C'était simplement un départ? Ah, c'était quand même la chance, c'était une énorme chance. C'était 17 ans. Oui, je faisais le premier, j'avais 17 ans, c'est juste, 17, 18, 19. Et que ce sorti de l'Allemagne et de l'Autriche, ces 3 films, c'était beaucoup de chance pour moi. Quand je suis arrivée la première fois en France, je ne savais pas dire un mot en français. J'ai vu des grandes affiches partout, Sissi et mon nom, je ne croyais pas mes yeux, c'était formidable. Et je pensais toujours, justement en France, on va détester ce genre de film. Ça a été un succès. Oui, c'était un énorme succès, oui, partout en Europe. C'est très bien, ça m'a beaucoup aidée. Après, c'était difficile parce qu'on voulait toujours que je continue la même chose. C'est vrai que ce sera important, mais ce sera un couteau à deux tranchants, cette série des Sissi pour Romy Schneider, Michel Coulombe. Oui, là, elle est plus gentille, mais parfois, elle disait c'était une camisole, c'était un boulet. Ce sera pour elle difficile, effectivement, de se répéter. Elle n'aimait pas la répétition. Ouais. Elle aimait la difficulté. Elle disait, au fond, je n'ai aimé que les rôles difficiles. Donc, jouer film après film, le même personnage ne lui plaisait pas. Elle savait que c'était très romancé, cette vie d'Élisabeth d'Autriche. Donc, ça l'agaçait. Déjà, deuxième, hein, elle le fait reculons. Et quand elle n'a pas fait le quatrième, parce que ça aurait pu se poursuivre, le public allemand, alémanique, parce que c'est ouais, plus large que les Allemands, lui en a beaucoup voulu. Mm-hmm. Elle les a trahis. Il y avait dans cette série-là aussi une façon de réhabiliter l'image de l'Autriche. Parce que, bon, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et là, on revenait au 19e siècle, un temps merveilleux avec l'empereur et puis, bon, ses belles robes, ses costumes, bon, ce côté merveilleux qui a servi de carte de visite à l'Autriche un peu partout en Europe. Mm-hmm. Des années plus tard, quand elle aura connu effectivement un début de succès international, on prendra les trois films et on en fera un seul aux États-Unis parce qu'effectivement, ce mythe de Sissi va se poursuivre. Et pour elle, c'était très agaçant. Elle veut sortir de ce conte de fées. Elle veut... parce que l'image qu'on a d'elle, c'est cette espèce de beauté, mais de pureté. C'est vraiment le conte de fées. Elle veut sortir de ça. Il y a deux réalisateurs qui vont être importants dans cet exercice pour la sortir du piège Sissi. Luchino Visconti et Orson Welles. Oui. Ben Orson Welles, c'est une partie de son contrat américain. Elle aura un contrat avec Columbia, faire 7 films. Bon, au bout de 3, elle en aura assez, parce que rapidement, c'est le piège de la beauté. On lui proposera des choses sans grand intérêt, mais déjà, son personnage était plus trouble dans le procès, et puis c'était un casting international, donc des vedettes. Il y avait Jeanne Moreau, notamment, mais aussi Orson Welles. Il y avait donc là quelque chose qui lui donnait une envergure internationale, donc ça lui plaisait beaucoup. Visconti, lui, va même l'amener à jouer au théâtre, l'amener à apprendre l'italien. Des années plus tard, lui fera rejouer dans Ludwig et le crépuscule des dieux ce personnage d'Élisabeth d'Autriche, mais sous un tout autre angle. Donc, elle aura sa vengeance sur Sissi grâce à Visconti, qui effectivement secouera un peu cette image glacée d'une jeune fille parfaite. Ouais. Romy Schneider et Alain Delon, évidemment, on ne peut pas faire une émission sur elle sans parler de cette relation qu'ils auront à la ville comme à l'écran. On écoute d'abord Alain Delon lors de l'hommage rendu à Romy Schneider à la cérémonie des Césars en 2008. On m'a demandé de lui rendre hommage. J'ai dit oui. On m'a demandé de bien vouloir lui remettre un César d'honneur. J'ai accepté. Parce que cette année, tu aurais 70 ans et que tu me manques terriblement. Parce que nous sommes fiancés il y a 50 ans. Parce que nous avons nagé ensemble il y a 40 ans dans la piscine, parce que nous nous sommes aimés, parce que nous avons été heureux ensemble et malheureux quand David est parti, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Voilà pourquoi. Alors ce soir, je voudrais vous demander pour elle une chose simple, mais ô combien symbolique, c'est de vous lever pour ses 70 ans, et de l'applaudir avec moi. Quelle importance aura Alain Delon, Michel Coulombe, dans la vie de Romy Schneider? Ce sera déterminant. D'une part, c'est elle qui l'a choisi parce qu'elle allait jouer en France, donc un film, Christine, et elle a choisi sur photo son partenaire. Bon, les photos... Parce qu'à ce moment-là, elle est très connue, et lui, pas du tout, à peu près. Il commence tout juste, ouais. Et effectivement, la grande vedette, c'est elle. Et donc, eh ben, voit une photo d'Alain Delon, on s'y trompe pas, elle le choisit. Il l'attend, c'est très mis en scène, au sortir de l'avion. Et ils vont faire des photographies tout de suite. Bon, ils s'entendront pas au départ. Elle comprend rien du français, elle le trouve un peu arrogant. Bon, les choses vont évoluer assez rapidement. Ils vont former un couple. Et c'est lui qui va l'amener du côté des auteurs. C'est lui qui connaît Visconti. C'est lui qui se rend compte que, ben, pour durer, il faudrait peut-être aller vers des films plus exigeants parce que l'un et l'autre étaient potentiellement prisonniers de leur beauté. Ouais. Donc, pouvaient faire des films de jeunes premiers, jeunes premières, des choses charmantes. Elle, par exemple, après avoir fait Sissi, a fait La Reine Victoria, toute jeune. Donc, des films en costume, des films sympathiques peut-être, mais qui passeront pas à l'histoire. Lui, il sera plus exigeant. Ils feront comme ça plein soleil, même quand ils seront plus ensemble, parce qu'il va la laisser tomber pour une autre femme. Et donc, quand ils seront plus ensemble, ils vont faire La Piscine, par exemple, qui sera un film important, qui joue sur leur beauté, bien sûr, mais leur sensualité, ce couple qu'ils ont été, leur grande complicité. Un film qui sera refait, d'ailleurs, il y a quelques années, A Bigger Splash, parce que c'est effectivement une marque, il faut bien dire, La Piscine. Et elle aurait tourné, après La Passante du Sans Souci, son dernier film, un nouveau film avec Alain Delon. Ah bon? C'était en projet. Donc, c'est vous dire que cette complicité s'est jouée sur de nombreuses années, parce qu'ils savaient, je crois, l'un et l'autre, qu'à l'écran, il se passait quelque chose quand on les retrouvait ensemble. Ouais. Une autre rencontre très, très importante, on revient un petit peu au tout début de l'émission, c'est cette rencontre avec Claude Sautet. On écoute justement Claude Sautet raconter sa rencontre avec Romy Schneider. Il travaille à ce moment-là à la préparation du film Les choses de la vie, qui va sortir en 70. Extrait de l'émission La France en film du 21 avril 1994. Je cherchais à l'époque une actrice pour jouer le rôle et je sais pas, aucune actrice française ne me plaisait. On m'avait parlé de Romy Schneider, qui était dans le creux de la vague, à l'époque n'avait plus de valeur commerciale. Et je l'ai vu presque en me disant, bon, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de sophistiqué, j'avais l'image de Sissi. Et puis je suis tombé sur une femme qui avait 31 ans, très drôle, très vivante. Et on a déjeuné ensemble et on ne sait plus, comme on dit, voilà. On s'est beaucoup amusé. J'ai parlé du rôle, elle était enthousiaste. Quoi. Et elle m'avait fait cette remarque qui m'avait frappé. Elle m'avait dit surtout ne t'occupe pas de ma photogénie. Ça, mon père m'a dit que j'étais photogénique. Ce qui compte, c'est le reste. Le reste, ça dépend de toi. Voilà. Et on avait l'impression qu'elle avait tout un vécu enfoui. C'est ça qui était tout à fait extraordinaire. Elle était pourtant. Elle s'extériorisait facilement au début. Après, elle avait très peur. Mais. Oui, elle avait une introversion très puissante, quoi. Et l'autre aspect aussi, je me souviens, c'est qu'au début, elle parlait assez fort. Et surtout qu'elle avait été marquée par des expériences théâtrales pas très réussies. Et on s'était aperçu qu'il fallait la faire parler de plus en plus bas. Et plus elle parlait bas, plus elle devenait juste. Et plus son accent allemand prenait un charme incroyable. C'est-à-dire qu'aux mots les plus plats, elle donnait une poésie. Cette rencontre entre Romy Schneider et Claude Sautet, ça va donner de grands films, Michel Goudon. Oui, il faut dire qu'en fait, qu'il l'a remarqué dans un studio de doublage, parce qu'elle doublait La Piscine en anglais et en allemand, elle était polyglotte, et il l'a vu, et puis s'est dit, tiens, voilà une actrice qui pourrait me convenir, ils feront 5 films ensemble. Ce sera donc le réalisateur avec lequel elle travaillera le plus. Elle va même parfois, ça s'est passé donc pour Mado, dire, j'aimerais être dans ton film, il va ajouter un rôle pour elle. Et elle va aussi, à un autre moment, lui dire, parce qu'elle avait fait Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Les choses de la vie, j'en ai un peu assez de tes films de mecs. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour les femmes? Et il fera effectivement un film dans un univers féminin, une histoire simple, pour son amie Romy Schneider. Donc c'est une grande, grande complicité artistique, parce qu'il va la pousser de plus en plus loin et savoir exploiter ce qu'elle avait de fragilité, de sensibilité, mais d'audace aussi à l'écran. Quand je parle d'audace, le meilleur exemple, c'est encore L'importance est d'aimer, un film qu'elle a fait avec Zulawski, où il y a une scène emblématique, si vous ne l'avez pas vue, franchement, rendez-vous sur le web, vous allez la trouver, c'est remarquable, où elle est une actrice défaite qui est face, qui est en plein tournage et qui est face à un paparazzi qui la photographie alors qu'elle est complètement brisée et qui lui parle au photographe et qui dit « Faut pas me photographier. Ouais. Je fais ça pour l'argent. Je fais ça parce que je dois bouffer. Mmh. » Et on voit toute sa détresse. Ce sera d'ailleurs son premier César. Donc, on voit qu'elle aimait les rôles compliqués, difficiles, qui la sortaient d'une image de bonne fille. Elle jouait des prostituées, par exemple, des femmes dans des situations très tendues. Elle cherchait pas à plaire et c'est pour ça qu'elle a plu beaucoup, parce qu'il y avait tout ça d'elle-même dans ses personnages. Il y avait probablement des choix. Bon, dans quelle mesure c'est des choix, on peut toujours en discuter, mais il y a des rencontres qui sont fondamentales, on l'a vu. Mais est-ce que c'est pas beaucoup ça aussi, cette carrière qu'elle aura finalement, les choix qu'elle va faire, le choix de la France, le choix des auteurs, du cinéma d'auteur? Oui, et sa perte, ce sera aussi d'être incapable de faire vraiment des choix. Au sens où, quand elle a eu son premier enfant, David, elle a annoncé, voilà, je tournerai beaucoup moins, je ne ferai que 3 films par année. Ben, 3 films par année, c'est beaucoup. Ouais. Mais même à ça, elle n'arrivait pas à se tenir. Elle était gourmande ou soucieuse de pas être là où il fallait, de pas plaire. Donc, elle s'accrochait à une branche et puis à une autre, elle tournait un film et puis le suivant. Ses relations amoureuses vont beaucoup en souffrir. Ses rapports, même avec son fils, qui ont été difficiles à un certain moment, vont être marqués par cette absence, cette volonté qu'elle avait de toujours aller vers une nouvelle aventure cinématographique. Mais bien sûr, elle avait une forme de politique d'auteur. Elle cherchait des projets qui lui convenaient, des rôles exigeants, plutôt que d'aller, par exemple, vers des films officiellement grand public, ouais, des grandes comédies ou des grands films historiques. Non, elle allait vers ce qu'on peut appeler du drame contemporain, généralement, et des films qui, effectivement, ont néanmoins rencontré leur public. Ouais. Et puis, elle aura cette fin tragique, Michel Coulombe. Son décès, elle meurt très très jeune, en 82, à 43 ans. Mais donc cette fin tragique, le mystère qui flotte autour de sa mort, et puis une dernière année de vie assez épouvantable au fond. Effrayante. Parce que coup sur coup, son premier mari allemand va se suicider. Son deuxième mari va demander le divorce. Son fils, 14 ans, David, va escalader le mur d'enceinte d'une maison familiale et tomber et s'empaler littéralement sur la grille et en mourir, donc à 14 ans, ce qui est terrible. Elle va subir une ablation du rein, d'un rein, parce que elle est cancéreuse. Il faut dire qu'elle fumait beaucoup. Mm-hmm. Et puis, elle aura des problèmes de médicaments, des problèmes d'alcool. Elle sera extrêmement instable. Elle fera tout son dernier film, La passante du sans-souci, dans un état second. Elle va même se briser un pied et devoir interrompre le tournage. On voit tous ces problèmes-là s'accumuler. Et au bout du compte, bon, elle assiste à une soirée avec des amis. Elle rentre chez elle très tard et on la retrouve morte le lendemain. On a dit à l'époque qu'on ne voulait pas faire d'autopsie, qu'on ne voulait pas aller plus loin pour ne pas briser le mythe, mais que c'était visiblement un suicide. On parlait donc de médicaments, ouais, et d'alcool. Des années plus tard, une proche a dit non, c'était plutôt une mort naturelle. Mais ça fera partie, puis c'est un peu le cas aussi pour Marilyn Monroe, ouais, de la mythologie Romy Schneider. Une vie incroyable, exemplaire, une carrière formidable, ouais, une beauté disparue dans la jeunesse, mais une fin tragique, ouais, et un peu inexpliquée. Et il y a dans ce mystère, dans cette absence d'explication consensuelle, en tout cas, quelque chose qui ajoute à la mythologie, effectivement, du personnage. Michel Coulombe, c'était fascinant. J'en aurais pris encore autant, c'est certain. Merci beaucoup. Au revoir. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.